Chapitre 3e. Il nous faut, pour aller plus loin, faire en quelques lignes l'histoire de Diane et de Hector. Diane, nous l'avons dit, était la fille de M. de Morfontaine, général de brigade en retraite, et la veuve du colonel Baron Rupert. Hector se nommait de son vrai nom Charles-Louis Enguerrand Hector, comte de Mainhardy. Les Morfontaine et les Mainhardy étaient deux vieilles familles vendéennes dont l'origine remontait aux ténèbres du Moyen-Âge. Ils étaient aussi nobles que le roi. Le manoir de Morfontaine ayant été rasé en 1793, ses propriétaires étaient venus habiter Belle-Ombre, une terre qu'ils possédaient sur la frontière du Poitou. À 4 lieues de Belle-Ombre se dressaient les tourelles de Mainhardy. Mainhardy était un édifice qui ressemblait fort au château du sire de Ravenswood, l'héroïque amant de Lucie de la Marmore, chanté par Walter Scott. Le vent, après avoir insulté la toiture en lambeaux, y pleurait sous les portes. L'herbe poussait verte et drue dans la cour. Les vieilles salles étaient enfumées. L'escalier avait de larges marches de pierre usées par le talon éperonné d'une dizaine de générations. Un pauvre domaine, composé de champs pierreux, de fermes couvertes de chaume, de prairies marécageuses et de bois rabougris, lui servait de ceinture. Les Mainhardy n'avaient guère plus de 8 à 10 000 livres de rente. Les Morfontaine étaient plus riches. Leur domaine couvrait plusieurs lieues de pays et ils faisaient une certaine figure à la cour avant 1789. La Révolution trouva les Morfontaine et les Mainhardy dans les rangs de l'armée vendéenne. Le marquis de Morfontaine trouva la mort à Quiberon. Le comte de Mainhardy fut guillotiné à Poitiers. Le fils du marquis fut ébloui par l'étoile resplendissante du premier consul. Il avait combattu sous Charette, Bonchamp et Larouche Jacquelin. Il prit du service dans les armées de l'empereur Napoléon. Puis il arriva pour lui ce qui arriva pour tant d'autres. Il se prit à aimer cet homme qui avait fait la France si grande que l'Europe se prosternait et que le monde étonné prononçait son nom avec terreur et respect. Il l'aima avec fanatisme, avec délire, et quand 1815 arriva, l'ancien soldat de Vendée oublia le passé, il remit au fourreau l'épée du général de l'Empire. Le fils du comte de Mainhardy, au contraire, rentra simplement dans ses terres et se fit laboureur durant toute la période qui sépara les guerres de la chouannerie de la restauration. En 1815, les rôles changèrent. Tandis que M. de Morfontaine faisait liquider sa pension de général de brigade, le comte de Mainhardy devenait colonel d'un régiment de hussards de la garde royale. Le comte avait un fils, Hector. Le marquis avait une fille, Diane. De Belle-Ombre à Mainhardy, il y avait 4 lieues à peine. Les deux gentilshommes avaient longtemps combattu sous le même drapeau et côte à côte. Il y avait au milieu du bois, entre les deux châteaux, une humble église qu'on appelait Notre-Dame du Pardon. Aux grandes fêtes de l'année, on disait la messe à Notre-Dame. Le colonel de Mainhardy y venait de son château, donnant la main à son fils. Le général de Morfontaine s'y rendait de Belle-Ombre, tandis que sa fille s'appuyait sur son bras. Hector pouvait bien avoir 12 ou 13 ans, Diane en avait 10. Les pères se regardaient d'un œil farouche, les enfants se souriaient. Les pères se haïssaient, les enfants s'aimaient. L'histoire de Roméo et Juliette n'est point une fiction. Il y a mieux. Elle est une histoire banale qui se reproduit à l'infini. Les Morfontaine et les Mainhardy étaient les Montaigu et les Capulet de la Vendée. Ces deux races nourrissaient une haine qui se perdait dans la nuit des temps. Sous Charles V, disait-on, un Morfontaine avait tué un Mainhardy. Sous François Ier, continue la légende, c'était un Mainhardy qui avait tué un Morfontaine. De siècle en siècle, de règne en règne, de génération en génération, les Mainhardy et les Morfontaine s'étaient rencontrés et sans trop se souvenir du motif qui les divisait, ils s'étaient battus et s'étaient entretués. Le comte de Mainhardy et le marquis de Morfontaine signèrent une trêve pendant les guerres de l'Ouest. Ils se groupèrent autour du drapeau royal et firent taire leur rancune particulière. L'Empire arriva. L'empereur Napoléon aimait le marquis, il aurait voulu que le comte de Mainhardy servît la France. Il fit jurer au marquis de ne point chercher querelle au comte. Puis vint la Restauration. Le roi Louis XVIII se souvenait que M. de Morfontaine avait arrosé de son sang la terre de Vendée. Il fit jurer au comte qu'il ne se battrait point avec le marquis. Tous deux tinrent leur serment, mais ils se regardaient d'un œil louche, et le marquis était peut-être bien le plus malheureux car il n'avait qu'une fille. Cette fille, la blanche et belle Diane de Morfontaine, écoutait tous les soirs, enfant, les imprécations du vieux général de Morfontaine contre les Mahardy. Le fils du comte Hector de Mahardy entendait chaque matin le vieux chouan dire à son réveil « J'ai encore fort mal dormi cette nuit. Je ne dormirai bien que lorsque ce jacobin de Morfontaine sera mort. » Diane s'en allait à la messe de Notre-Dame du Pardon et souriait en regardant Hector. Hector allait braconner jusque sous les murs du château de Belle-Ombre tout exprès pour apercevoir la jolie Diane. Ni le marquis ni le comte ne se doutaient de la sympathie qui entraînait leurs enfants l'un vers l'autre. Les hasards de la vie les séparèrent. Hector rentra à Saint-Cyr et en sortit sous le lieutenant de cavalerie. Quand Diane eut atteint sa 16e année, le marquis songea qu'il lui fallait un mari. Certes, les maris ne manquaient pas. Diane était riche, elle était belle comme les anges. C'était plus qu'il n'en fallait. Monsieur de Morfontaine avait 3 neveux qui, tous 3, visaient à la main de Diane. Le premier se nommait le vicomte de Morlière, le second le chevalier de Morfontaine, le 3e le baron de Passecroix. Le vicomte avait 30 ans, le chevalier 27, le baron 23. On eût dit que monsieur de Morfontaine n'avait qu'à choisir. Monsieur de Morfontaine ne choisit pas, ou plutôt il fit un choix sans songer à ses neveux. Le marquis avait eu un aide de camp nommé Joseph Rupert, un brave soldat de fortune, qui avait été son propre aïeul, et que l'empereur avait fait baron et colonel à 30 ans pour sa belle conduite militaire. Le marquis en fit son gendre, au grand désespoir de ses neveux. Diane était une enfant. Elle aimait Hector, mais elle se l'était avouée à peine. Et puis elle savait bien que jamais monsieur de Morfontaine vivant, elle ne pourrait l'épouser. Et puis encore, elle ne savait pas résister à son père. Diane devint la baronne Rupert. Hélas, le baron eut la fâcheuse idée de passer l'hiver à Paris. On était alors vers la fin de la Restauration. Le baron Rupert menait sa jeune femme dans le monde, le jeune vicomte de Mahardy, lieutenant de dragons, puis des hussards, y allait aussi. Hector et Diane se rencontrèrent de nouveau, et la pauvre Diane sentit qu'elle aimait toujours le vicomte, et le vicomte comprit sur le champ que sa vie entière appartenait à cette femme. Hélas, Diane était mariée. Un soir, le jeune officier, qui venait d'être promu au grade de capitaine, on touchait au mois d'avril 1830, rencontra la baronne Rupert chez le duc et la duchesse de P. On dansait, il y avait foule, le baron Rupert avait laissé sa jeune femme dans la salle du bal pour gagner un boudoir où l'on jouait au whist. Hector s'approcha de Diane et l'invita à valser. « Madame, lui dit-il, le roi a décidé l'expédition d'Alger, je pars demain. Vous lirez probablement bientôt 2 lignes nécrologiques dans le Moniteur, alors priez pour moi. » Diane comprit cet immense amour qui remplissait le cœur du jeune homme et qu'elle ressentait elle-même, et elle ne répondit pas. Hector partit pour Alger. Il fit des prodiges de valeur pendant le siège. Il chercha constamment à se faire tuer et n'y put réussir. La mort semblait ne pas vouloir de lui. Quand la révolution de 1830 arriva, le jeune homme voulut briser son épée. N'était-il pas vendéen? N'avait-il pas sucé le lait d'une femme royaliste et chrétienne? Mais quand la nouvelle de la chute de la branche aînée des Bourbons lui arriva, Hector était déjà loin d'Alger. À la place du drapeau blanc, il vit hisser le drapeau tricolore. Mais quelle que soit sa couleur, l'étendard de la patrie ne fait-il pas battre le cœur quand on est en face de l'ennemi? Quel est donc le soldat qui déserte et remet l'épée au fourreau quand le tambour de son régiment bat la charge? Hector demeura et fit la première campagne d'Afrique, cherchant la mort sans cesse et ne la pouvant trouver. Un jour, il reçut une lettre de France. Cette lettre contenait 2 lignes. « Si vous n'êtes pas mort, ne bravez plus le trépas, et malgré la haine de nos 2 familles, espérez. Je suis veuve. Diane. » Cette lettre arriva à Hector en même temps que l'épaulette de chef d'escadron le matin d'une bataille. Le colonel baron Rupert s'était battu en duel 15 jours auparavant, et il avait été tué d'une balle au front. Diane était libre. « La mort n'a pas voulu de moi jusqu'à présent, » murmura Hector en recevant cette lettre. « Mais je pourrais bien être tué aujourd'hui. » Hector se trompait. Il vit ce jour-là son épaulette neuve emportée par une balle arabe. Il rentra au camp avec un uniforme en lambeaux, mais le corps vierge d'une égratignure. Quelques jours après, son régiment reçut l'ordre de rentrer en France. On toucha alors à la fin de l'année 1830. Le fils des vieux chouans songea une fois encore à donner sa démission, car il ne voulait pas servir le nouveau régime. Une circonstance fortuite l'en empêcha encore. L'ordre qui rappelait son régiment en France lui assignait Poitiers pour garnison. Or, le général marquis de Morfontaine, auprès de qui la baronne Rupert s'était retirée, passait l'hiver à Poitiers. L'homme politique s'effaça devant l'amoureux, le cœur du soldat fit le reste. Le régiment est une famille. Chaque compagnon d'armes devient un frère et puis, blanc ou tricolore, le drapeau qu'on suit n'est-il pas la patrie? Hector vint tenir garnison à Poitiers. Poitiers, cette ville de province aux rues solitaires, à l'aspect morne et songeur, aux grands airs d'un gentilhomme d'autrefois. C'est la vieille cité parlementaire où tout est calme, austère, solennel, où, bien que le couvre-feu soit aboli, on se couche de bonne heure et où les rues sont plus désertes que les allées d'un cimetière lorsque sonne le dernier coup de minuit. Le vieux général de Morfontaine habitait à Poitiers un hôtel entre cour et jardin, dans le quartier le plus isolé de cette ville déjà solitaire. Au bout du jardin, il y avait un pavillon que la baronne Rupert avait choisi pour sa demeure particulière. Derrière le jardin et le pavillon était une ruelle tortueuse qui descendait vers la rivière. Que se passait-il chaque soir? Nul n'aurait pu le dire au juste. Mais un homme enveloppé d'un manteau se glissait vers le pavillon et une porte se refermait sur lui. Hector ne songeait plus à donner sa démission. Plusieurs mois s'écoulèrent ainsi. Souvent Hector demandait un congé de quelques jours et s'en allait à main hardie. Le comte, qui s'était fait laisser pour mort dans les rues de Paris, pendant les journées de juillet, était revenu en Vendée et y guérissait lentement ses blessures. Toujours vendéen dans le fond de l'âme, l'ancien chouan souffrait de voir son fils servir le nouveau régime, mais il n'osait exiger qu'il brisât sa carrière. Les mains hardies étaient pauvres. Certes, le vieux chouan eût vécu de pain noir et d'eau, mais il était père, et l'égoïsme paternel imposait silence au cœur du partisan. Hector avait espéré que cette haine héréditaire qui existait entre son père et celui de Diane, ravivée par les événements de 1814 et 1815, se serait affaiblie à la suite de ceux de 1830. Quand Hector prononçait le nom de Morfontaine devant son père, le comte entrait en fureur. Diane, de son côté, avait quelquefois hasardé le nom de main hardie. Chaque fois, le vieux général s'était écrié que l'ombre du manoir de ses voisins faisait tort à ses récoltes. L'âge avait donné un caractère presque bouffon à la haine des deux gentilshommes. Un jour, le général de Morfontaine avait voulu monter un cheval neuf. Le cheval s'était emporté et la bride s'étant rompue, il s'en allait droit à la rivière. Le général était perdu si un jeune officier qui revenait du champ de manœuvre avec son escadron avait arrêté le cheval au péril de sa vie. Cet officier, on le devine, c'était le commandant Hector de main hardie. Quand le général avait appris le nom de son sauveur, qu'il avait jusque-là accablé de remerciements, il s'était écrié avec colère. « Par Dieu, monsieur, je suis assez connu dans la ville. Vous auriez dû savoir qui j'étais et me laisser noyer. Il m'est fort désagréable d'être votre obligé. » Cette dernière circonstance avait achevé d'enlever aux deux amants tout espoir de rapprochement entre leurs pères. Alors Diane avait dit à Hector, « Tu es mon époux devant Dieu, et je te jure que je serai ta femme tôt ou tard. Nos pères inclinent chaque jour vers la tombe. Attendons, et n'empoisonnons pas leur dernier jour. » « Attendons, » avait répondu Hector. Plusieurs mois s'écoulèrent. Hector et Diane s'aimaient, et le plus profond mystère, grâce à deux serviteurs de Diane, dont nous parlerons plus tard, Grain de Sel et sa mère, enveloppait leur amour. La baronne était encore en deuil de son mari. C'était pour elle une raison suffisante d'écarter les prétendants à sa main, qui revenaient à la charge plus nombreux que jamais. Un soir, en rentrant chez lui dans son logis de garçon, le commandant trouva un homme qui se chauffait à son feu, les pieds sur les chenets. C'était un paysan du bocage, en veste rouge, en vrai bleu. Le paysan se nommait Pomic. C'était un serviteur de son père. Il lui apportait un billet du comte de Mahardy. Ce billet était laconique comme un ordre du jour. « Mon fils, disait le vieux chouan, madame est débarquée en Vendée la nuit dernière. Votre place est à mes côtés. Notre place à tous deux est auprès d'elle. Montez à cheval et venez. » Hector comprit tout. Une lutte de quelques minutes s'éleva en lui, lutte terrible entre le soldat et le fils du vieux Vendéen. Le soldat lui disait « Tu sers le nouveau régime, tu es officier, tu ne peux quitter ton poste. » Le Vendéen se souvenait des légendes héroïques dont on avait bercé son enfance. Il était né sur la même terre que les Roses Jacquelin, les Catelineaux et les Bonchamps. Si Hector avait 8 jours devant lui, il eût envoyé sa démission au ministre de la guerre, mais il n'avait pas 1 jour, il n'avait pas 1 heure. Le colonel du régiment était un vieux soldat, un homme d'honneur s'il en fut. Malgré l'heure avancée, Hector courut chez lui. « Colonel, je vous apporte ma démission. »« Je ne puis l'accepter, » lui répondit le colonel. « Le ministre seul. Donnez-la-moi, je l'enverrai. »« Hélas, » dit Hector, « il faut que je quitte mon escadron sur l'heure. »« Ceci est impossible encore, » répondit le colonel, « car j'ai reçu aujourd'hui même l'ordre de partir. Le régiment change de garnison. » « Alors, colonel, » dit froidement Hector, « je déserte. »« Êtes-vous fou ? » s'écria le colonel. « Non, » murmura tristement le jeune homme. Alors il demanda sa parole d'honneur au vieil officier, que ce qu'il allait lui dire serait enseveli au fond de son cœur, et que ce que l'homme entendrait, le colonel n'en saurait rien. Le colonel jura. Hector lui montra le billet de son père. « Mais malheureux !» s'écria le colonel, « c'est la mort et le déshonneur !»« La mort peut-être, le déshonneur non, je suis Vendéen. » Le colonel comprit. Il savait que tôt ou tard, quand souffle le vent de l'Atlas, les lions retournent au désert. « Allez, » murmura-t-il, « et Dieu veuille qu'un jour je ne préside point le conseil de guerre qui vous condamnera à la peine de mort. » Hector revint chez lui et dit au Vendéen, « Selle mes chevaux !» C'est ainsi que le vicomte Hector de Mainhardy avait déserté. Le lendemain, il était au milieu de cette poignée d'hommes qui étaient réunis autour de Madame comme autour du dernier étendard de la monarchie. 3 jours après, à la première rencontre avec les troupes du nouveau régime, le comte de Mainhardy tombait, frappé à mort, dans les bras de son fils et le couvrait de son sang. On devine à présent ce qui s'était passé depuis 2 mois. La petite armée vendéenne combattait en désespéré, ressuscitant les vieilles guerres de 1794 et 1798. Mais l'enthousiasme n'était plus le même, et chaque jour, malgré des prodiges de valeur, les royalistes perdaient du terrain. Hector avait succédé à son père et continuait de mener de front la guerre et son amour. Il avait établi son quartier général dans le Bocage, près du château de Mainhardy, à 3 lieues de Belle-Ombre. Chaque nuit, il sautait sur Clorinde et venait à Belle-Ombre, comme naguère il se glissait dans la ruelle sombre et déserte du faubourg de Poitiers. Et Diane l'attendait, agenouillée, et comme elle avait prié pour le soldat d'Afrique, elle priait pour le Vendéen. Maintenant il est temps de revenir à ce moment où la veuve du baron Rupert avait entendu un bruit qui l'avait fait courir à la croisée et l'ouvrir. Ce bruit n'était autre que le houloulement de grains de sel qui, répété, frappa distinctement l'oreille d'Hector. Le jeune homme se leva, se débarrassa du châle qui enveloppait ses épaules et, à tout hasard, remit ses pistolets à sa ceinture. 5 minutes après, grains de sel sauta sur la terrasse et apparut. « Les bleus » dit-il, « les bleus viennent, il n'y a pas 1 minute à perdre !» Hector prit Diane dans ses bras, l'y pressa longtemps et lui donna un dernier baiser. « Adieu !» dit-il, « à demain !» « Oh non, non, ne viens pas, Hector, je t'en supplie !» s'écria la baronne éperdue. « Tu es folle, » reprit-il, « je passerai à travers les flammes pour te voir, à demain !» Et il s'élança sur la terrasse et sauta dans le jardin, suivi par grains de sel.